Bonjour Serena. Bonjour Paula. Aujourd'hui, c'est le top cruise de l'anecdote. Oh oui. Top. C'est le top cruise. Alors Serena, ce top cruise de l'anecdote, c'est quoi? C'est la meilleure anecdote quoi de, alors, de tournage? Non mais c'est parce que toi t'as une rubrique des anecdotes, t'avais une rubrique des anecdotes. Je sais, j'ai arrêté de chercher les anecdotes, fini. De courir les internets. Mais du coup j'en ai un peu réécouté et c'est aussi ce qui m'a un peu marqué. Que je me dis, ça c'est une bonne anecdote à dire. Pour briller en société. Bah, pas pour briller en société mais... Quand tu cherches des trucs un peu pour Tom Cruise, tu vois, tu cherches un truc un peu classe. Je vois. Donc, nous commençons. Je fais un top 3 à peu près. Disons que je le fais un peu par film. Voilà. Ok. Donc, le risky business, numéro 3, risky business, l'anecdote sur toute que je trouve résume parfaitement Tom Cruise, c'est qu'il a complètement improvisé la danse. C'est vrai. Et ça, Oui. En fait. Je pense qu'il peut y en avoir 150 d'anecdotes comme ça sur Tom Cruise. Et c'est un peu un symbole de ce qu'il est physiquement et à quel point il est utilisé dans les cascades, mais pas trop dans la physicité de ses personnages, quoi. Donc, ça, c'est pour moi, ça résume un peu une anecdote générale. C'est, ouais, c'est un type d'anecdote qui peut revenir régulièrement. Voilà. Ouais. Au numéro 2... J'ai mis quand même entretien avec un vampire avec le fait que Anne Rice, l'écrivaine, ne voulait pas de Tom Cruise, qui s'est opposée publiquement pour dire il pourra jamais faire les stats de Lioncourt parce qu'il n'est pas, à ça. Et après avoir vu les films, elle s'excuse publiquement en disant c'était un super choix. Et ça bon, c'est balèze. C'est balèze, c'est une anecdote qui n'est pas très secrète, tu vois, tout le monde le sait à peu près. Mais quand même, ça fait toujours plaisir de dire, ouais, quand même. Parce que, voilà, elle aurait pu tout à fait dire non, tenir sa position, tu vois, mais là, face au talent, elle n'a pas pu. En plus, souvent, c'est des trucs qui se font beaucoup quand il y a des jeunes starlettes comme ça, c'est de dire non, mais il n'est pas bon pour ce rôle et il ne pourra pas faire un rôle sérieux, il ne pourra pas faire type de truc, quoi. Et derrière, il faut prouver, quoi. Et Tom Cruise. Il l'a prouvé, quoi. Et, ce qui est fort aussi, c'est que lui, il s'arrête devant rien. Oui. Tu vois, c'est pas pour autant que le personnage, il est moins. Parce que tu peux être intimidé par la menace de quelqu'un qui dit ah, mais tu ne seras jamais à l'auteur. Mais vu comment il y allait, comment il a joué, je sais pas, il y a un truc, il est puissant quand même, ce mec. C'est vrai. On peut rien y faire, quoi. Voilà. Et au numéro 1, encore une fois, Eyes Wide Shut. C'est la foison. C'est le film des... anecdote. Voilà, c'est ça. En fait, j'ai réécouté l'épisode et il y en a anecdote sur anecdote du tournage, du fait qu'ils ont signé un contrat sans avoir la fin, du fait qu'ils ont déménagé à Londres et ils ont dû habiter là-bas, que les techniciens devaient aller aux États-Unis pour mesurer les rues de New York pour reproduire exactement le fait que là, on dirait qu'ils ont fait de la thérapie face à Kubrick qui l'a mis dans les films, qu'ils ont tourné les scènes de Nicole Kidman sans Tom Cruise pour aiguiller les... Ah oui, non, mais c'est un des films les plus mystérieux. Enfin, tout ce qui est autour, c'est fou. Bah, et Kubrick en plus. Bah, voilà. Et puis en plus, il est mort, donc on ne saura jamais rien. Donc c'est complètement dingue. C'est quand même une pépite d'anecdote. C'est clair que ça. Lui-même. Sans compter toutes les théories cheloues des présences, des machins, des bidules. Ou ceux qui font aussi, qui regardent le film en se disant ah, regardez, à telle minute, il y a telle couleur, donc ça veut dire ça. Et en plus, vous allez voir, dans 10 minutes après, il y a ça, machin, ça veut dire ça. Des surinterprétations. Ah, mais c'est une mine. C'est ouf. C'est ouf. Donc, il ne pouvait pas ne pas gagner, même il gagne un peu tout le temps. C'est le film à anecdote. Mais voilà. Eh bien, merci, Serena. Eh bien, merci à toi. À demain. À demain.